découvert d'une planète qui pourrait être de type rocheuse comme la Terre. Grâce au télescope spatial Kepler de la NASA, on a réussi à découvrir un système solaire qui contient ce qui est connu comme la super-Terre et deux autres planètes de la taille de Neptune. On a donné le nom de super-Terre aux planètes rocheuses avec une masse plus grande que la Terre. Les trois planètes sont en orbite plus proche de Kepler-18, ce qui veut dire qu'ils se trouvent plus près du Soleil que Mercure.